Chapitre 9. Les pêcheurs sardiniers. Quand un touriste a visité Douarnenez avec sa belle azur criblée de voilures rouges, Audierne frissonnante et tapageur, Concarneau pittoresque et animé, Quiberon sablonneux et lumineux, Saint-Guénolé et le Guilvinec sauvage, terrible, où luttent les plus hardis marins de France, ce touriste peut comprendre que la ruine de ses ports atteindrait toute la marine française de guerre et de commerce. Je viens de vivre dans l'intimité de ces courageuses populations et c'est une partie de ma documentation que je voudrais publier, documentation utilisée dans notre roman « L'Océan ». Et si je présente ainsi cette étude, c'est qu'il me paraît qu'une enquête dirigée dans le but de créer une œuvre d'imagination basée sur des observations directes, m'a permis d'apercevoir des faits qui ont échappé aux députés interpellateurs de la crise sardinière. C'est la vie de chaque jour dans les maisonnettes des pêcheurs qui m'a révélé une misère qu'on ne pourra soulager efficacement que si les remèdes proposés tiennent compte des vertus et des défauts du marin armoricain. Ainsi, j'ai la conviction que les lois n'auront pas plus d'effet que la religion pour lutter contre l'alcoolisme qui abrutit une partie de ces pêcheurs. C'est l'existence sociale du sardinier qu'il faut renouveler complètement si l'on veut abolir l'ivrognerie. Un écrivain breton n'a pas la prétention de résoudre ce vaste problème, mais sa connaissance de la race lui permettra peut-être d'apporter quelques indications utiles. Pas un Français ne peut rester indifférent à la ruine des 23 000 marins de la flotte sardinière et des 50 000 personnes, en y comprenant les ouvriers soudeurs et les femmes des friteries, qui vivent de la sardine. Un chiffre donnerait une idée de la misère de cette population. Il y a 10 ans, un pêcheur gagnait environ 1 000 francs par an, y compris la pêche d'hiver au maquereau. Cette année, année 1910, le gain ne dépassera pas 250 francs. Quant aux patrons, non seulement ils n'ont aucun bénéfice, mais l'accaparement de la rogue les met en déficit de 100 à 200 francs. Voici le bilan. Or, situation paradoxale, cette saison de pêche a été exceptionnellement abondante en poissons. À chaque marée, les embarcations ramenaient 10 à 15 000 sardines. Mais les fabricants de conserves refusaient de les acheter ou bien offraient un prix dérisoire qui, suivant l'expression des patrons, ne payait même plus le liège des filets. Chaque famille de sardiniers comptant en moyenne 4 enfants, c'est dire la profonde détresse de cette population, lorsque viennent les misdus, les mois noirs, pendant lesquels les barques désarmées ne rapportent plus même le poisson nécessaire à la consommation personnelle. Cet été, on jetait les sardines à la mer ou on les enfouissait dans les champs lorsque les usiniers ne voulaient pas les payer un prix rémunérateur. En 1906, 1907 et 1908, au contraire, les milliers de barques labouraient la mer sans rencontrer les insaisissables petits poissons. Mais puisque l'abondance n'est pas plus profitable aux pêcheurs que la disette, c'est qu'il y a un déséquilibre grave entre la production et la capacité de consommation. Il faut arriver à rétablir l'harmonie qui permettra aux marins de vivre en contribuant à la prospérité de l'industrie française. Il sera nécessaire également de rappeler à certains fabricants qu'ils ont gagné des millions en manufacturant des boîtes de conserves à l'huile qui leur coûtent 25 centimes et qu'ils revendent 50 à 60 centimes. Il n'est pas légitime que tant de richesses soient édifiées sur tant de misère. Vivons un peu de l'âpre-existence du pêcheur et nous participerons à ses souffrances et à ses joies. Pendant une partie de l'année, dans la presqu'île de Pinmar surtout, à minuit ou à 1 heure du matin, les équipages se réunissent à ce qu'ils nomment la maison du bateau, c'est-à-dire chez le boulanger débitant épicier dont l'établissement sert de siège social à la petite fédération d'intérêt des 7 hommes de chaque barque. C'est chez cet aubergiste que l'on se retrouve au départ comme à l'arrivée pour la paix et le règlement des dépenses. Ces débitants universels, puisqu'ils centralisent tous les commerces, ont multiplié les occasions de ces assemblées en fournissant aux patrons des salles où ils peuvent déposer leurs filets, leurs agrès et jusqu'à leurs voiles. Les députés interpellateurs à la Chambre n'ont pas parlé de ces maisons du bateau, c'est que les aubergistes omnipotents tiennent dans leurs mains leur clientèle endettée et sont les grands électeurs. Jamais un politicien ne pourra les attaquer sans risquer sa réélection. Et cependant, à part des exceptions honorables, les tenanciers de ces maisons de bateaux sont les empoisonneurs persévérants d'une population qui fut magnifique de force, de sobriété et de raison. L'alcoolisme qui sévit furieusement sur le littoral armoricain dégrade non seulement les corps, mais avilit surtout les caractères. Ces marins, les premiers du monde par leur héroïsme, victimes de l'alcool, atteindront un degré de démoralisation qui les mettra très au-dessous des paysans. Cependant, ceux-ci ne possèdent pas cette généreuse qualité de l'homme de mer, l'altruisme, l'esprit de sacrifice pour son compagnon en danger. Avant le départ, à 1 h du matin, les matelots à jeun boivent un boujaron d'ignoble tafia industriel, le seul qui racle le gosier et leur chauffe le sang. Puis ils embarquent et, arrivés au lieu de pêche, lorsqu'ils aperçoivent les mouettes posées sur l'eau, ils savent qu'ils se trouvent à proximité d'un banc de sardines. Alors tous les hommes retirent leur béret, esquissent le signe de la croix et le filet est descendu dans la mer. Lorsqu'il est tendu comme une barrière, le patron monte debout sur le rouf de son bateau et, avec le geste auguste du semeur, il dispense la rogue à petites poignées. Du fond de la mer, des milliers de petites lames d'acier montent vers la surface et bientôt, chacun de ces petits poignards va se ficher dans une maille. Le filet transformé en réseau d'argent est remonté. Autour des sardines, encore vivantes, tournoient les goélands et les blancs courlis qui, parfois affamés, se précipitent le bec en avant sur les poissons et s'accrochent au filet. Ces oiseaux de lumière sont jetés au fond de la barque parmi la pêche miraculeuse. L'habileté professionnelle du patron aide beaucoup à l'heureuse chance. L'un des marins sardiniers les plus remarquables de la Bretagne, le célèbre sauveteur Aufret, m'assurait que, de son lit la nuit en sommeillant, le bon patron doit rêver au courant, au vent, aux marées, aux changements de température et, d'après ses souvenirs de la veille, arriver à découvrir l'endroit poissonneux qu'il devra visiter le lendemain. L'esprit du pêcheur doit être sans cesse en éveil. Le vrai sardinier doit posséder un sixième sens qui fait de lui le frère des poissons et le rapproche des éléments au point d'être capable de prédire le temps rien qu'en entendant les voix multiples de la mer. Partant de brume ou en pleine nuit, un marin comme Aufret peut diriger son embarcation à travers les récifs, sans feu, rien qu'en écoutant le bruit des déferlements sur les rochers, car chacun d'eux possède son aboiement spécial, une plainte ou un hurlement. Et c'est ainsi qu'à travers la barre écumante de Saint-Guénolé, où semblent disparaître les barques à leur rentrée au port, les patrons, debout au gouvernail, demeurent attentifs aux mille cris des vagues sur les brisants, et ce langage de la mer les sauve du danger. Aussitôt à quai, le patron va présenter ses sardines aux acheteurs qui se trouvent réunis en haut de la jetée. Les commis des friteries examinent et offrent un prix le plus bas possible. Et comme il existe une entente entre la plupart des fabricants, les pêcheurs doivent céder à 5 ou 6 francs un mille de sardines qui devrait être payé raisonnablement 10 francs. Si l'on m'objecte que la conspiration des prix de famine n'existe pas, je raconterai que j'ai assez fréquenté les usiniers pour les avoir entendus s'emporter sans aucune réserve contre leurs collègues assez gâcheurs pour offrir un franc de plus aux mille que le cours auquel ils avaient souscrit tacitement. Le trust industriel existera tant qu'il n'y aura pas de concurrence et par conséquent de liberté dans les achats. D'ailleurs, les usiniers peuvent présenter quelques excuses. Cette année, disent-ils, si nous avions pu introduire des soudeuses mécaniques dans nos fabriques, nous aurions produit davantage et nos achats plus importants eussent profité aux pêcheurs. D'un autre côté, l'économie que nous eussions réalisée sur le soudage à la main nous eût permis d'abaisser nos prix de vente et de rendre accessibles aux ouvriers et aux paysans nos conserves. Malheureusement, cet été, les soudeurs ont provoqué à Concarneau surtout une grève lamentable par tous ses résultats. Quelques centaines d'ouvriers ne peuvent pas s'opposer à un progrès dont bénéficieraient les pêcheurs et avec eux les consommateurs, c'est-à-dire l'immense majorité. Cependant, on a vu un député mettre en doute la valeur du soudage mécanique, tout simplement parce qu'il redoutait de perdre les suffrages des soudeurs. C'est ainsi qu'on plaide la cause du progrès. Aussitôt le poisson vendu, il est souvent 6 heures du soir. Les hommes qui n'ont mangé depuis la veille qu'un peu de pain rassis trempé dans l'eau pour qu'il coule mieux, se rendent à leur maison du bateau boire un nouveau boujaron d'alcool. Ensuite, il faut sécher les filets et les voiles. À terre, comme les matelots n'ont aucune obligation envers leur patron, celui-ci doit payer chaque service avec une goutte de tafia, ou mieux encore, de vulnéraire qui rabote une gorge comme une encre rouillée peut le faire d'un fond de roc. Le samedi matin, on procède à la tannée des voilures avec la résine Malakoff. D'où consommation de mel et bière, c'est-à-dire un demi-litre de bière assaisonné d'un demi-litre d'alcool qu'on boit avant et après l'opération. L'après-midi, importante réunion chez le débitant boulanger, car le patron a touché à l'usine l'argent de la semaine. Ces rudes gaillards vêtus de leur cotte bleue s'attablent autour de la débitante, une maîtresse femme au bonnet d'aplomb sur un front que n'effarouchent ni les insolences, ni les ivresses les plus tumultueuses. Cette commère ouvre le cahier de bord de chaque équipage et le patron paye d'abord les dépenses contractées par le bateau en pain ou boisson. Ensuite, il partage la somme qui reste en gardant pour lui 2 parts, car son embarcation gagne sa vie comme un homme. On clôture la distribution par une rasade générale. Ensuite, chaque matelot règle ses dettes particulières, gouttes d'eau-de-vie supplémentaires, pain, poivre, dont il consomme 10 centimes par jour, etc. Jamais un sardinier ne paie comptant. Aussi, quand la pêche ne donne pas, les semaines et les mois de crédit accumulent les notes. Les mauvais payeurs accusent, dans ce cas, les débitants d'inscrire les dépenses à la fourchette. Aussitôt que le marin gagne, l'argent semble sauter hors de ses poches. Le système de la maison du bateau, qui ouvre un crédit prolongé aux équipages, l'incite aux dépenses. Il maintient les matelots dans la servitude vis-à-vis des commerçants qui consentent à leur vendre sans être payés immédiatement. La population ignore ainsi la prévoyance. Quant à l'alcoolisme, rien ne le vaincra tant que prospéreront ces maisons du bateau qui fournissent à crédit de l'ivresse à ce peuple patient et doux. Si l'on veut une preuve de la bonté de ces pauvres marins bretons, on la trouvera dans un fait de grève récent. Des usiniers de Saint-Guénolé, effrayés par quelques braillards, avaient obtenu l'envoi d'une compagnie d'infanterie. À ce moment, la sardine abondante était tarifée 2 francs le mille par les fabricants. Les soldats voulurent en acheter, mais les pêcheurs s'obstinèrent à offrir gratuitement leurs poissons à ces troupiers défenseurs des usiniers qui les payaient si mal. Lorsqu'ils ne naviguent pas, voici comment vit le sardinier dans sa famille. En n'importe quelle saison, il se lève à 4 ou 5 heures du matin et, s'il n'a aucun travail de jardinage ou de réparation à ses engins de pêche à entreprendre, il va s'abriter derrière un rocher et il considère la mer pendant des heures avec une curiosité inlassable. J'allais écrire avec un amour profond, car j'ai remarqué de ces braves gens qui soulignaient d'un geste approbateur la magnificence d'une vague éclatante en 1000 gerbes sur les brisants du littoral. À 7 heures, l'homme regagne sa maison et il mange une soupe à l'oignon et à la graisse, accompagné d'un morceau de pain d'orge, le pain de froment étant jugé trop coûteux. À midi, presque invariablement, la galette de sarrasin trempée dans le lait forme le déjeuner. Le soir, soupe au lait ou cotrillade préparée avec des pommes de terre et le poisson pêché des falaises avec la ligne de fond quand le temps le permet. L'été, le pêcheur achète ses sardines au cours du jour. Il en prendra par exemple 50 pour 30 centimes sur la pêche de son bord. En mer, nous l'avons dit, la seule nourriture se compose de pain sec et d'eau. L'hiver, le dénuement des sardiniers les oblige à se contenter de soupe à l'eau et au poivre, dans laquelle on met à tremper du pain d'orge. Lorsqu'ils ont pu récolter sur les rochers des bernicles ou des pousse-pieds, ils préparent de misérables ragoûts. Le bois manque presque toujours pour le chauffage, et si les marins n'avaient point à leur disposition du goémon lavé dans la rivière, puis mis à sécher et employé comme combustible, ils ne pourraient pas faire cuire leurs aliments. La boisson unique est l'eau, car le crédit est coupé chez tous les boulangers débitants. Les locations des maisonnettes habitées par les pêcheurs atteignent des prix élevés pour la Bretagne. Une seule pièce est tarifée 50 francs par an. La jouissance d'un petit grenier augmente de 20 francs le terme. Une maisonnette de deux petites chambres et un enclos d'un art atteint 120 francs à l'année. 30% des marins sont propriétaires de ces habitations qui valent de 1000 à 3000 francs. La population sardinière est la plus prolifique de France. C'est ainsi que les désastres inouïs ne peuvent l'anéantir. Au XVIIIe siècle, une seule tempête engloutit 500 barques et près de 2000 hommes. Après la guerre de 1870, la population de Pinmar était tombée à 3000 habitants. En 30 ans, la commune, par le seul excédent des naissances, a doublé et maintenant 7000 âmes, dont 1200 inscrits maritimes, encombrent des logis devenus insuffisants. La fécondité de ces pêcheurs dépasse l'imagination. Un vieux marin de 84 ans, Jean-Louis Barguin, s'enorgueillit de 83 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, tous superbes de santé. Les garçons se marient à 25 ans, au retour de leur service à l'État, et épousent des filles de 20 ans qui leur apportent 300 ou 400 francs et une vache. C'est la dot habituelle. La mère de famille est respectée par son mari, qui lui remet chaque samedi son gain, sauf 1 ou 2 francs pour son tabac et l'eau de vie. Les femmes de Sardigné, de Saint-Guénolé, de Kériti ou du Guilvinec, économes et laborieuses, sont maîtresses au logis. Dans les villes de Concarneau et de Douarnenez, les épouses des pêcheurs sont moins travailleuses. On les aperçoit, un éternel tricot au doigt, rôdant sur les quais ou dans les rues, et c'est le mari qui, le dimanche, nettoiera la maison. Depuis plusieurs années, ces pêcheurs n'ont pas gagné 1 franc par jour. Voilà le fait terrible. Et comme 6 à 8 personnes composent chaque famille, si la mère ou les filles ne trouvaient pas à s'employer comme ouvrières dans les friteries, ce serait la famine et, par conséquent, l'abandon du littoral par ces gens de mer. Force et courage de notre marine nationale. Si la crise s'aggrave encore, et si l'on ne peut rétablir l'équilibre entre l'usine qui consomme et la barque qui produit, la puissance maritime de la France souffrira une diminution désastreuse. Deux mesures immédiatement réalisables pourraient secourir ces populations. D'abord, il faut les soustraire aux accapareurs de rogue qui vendent plus de 100 francs un baril 2 de morue qui ne devrait pas être payé plus de 70 francs. Le roi Louis XV, ému par cette spéculation, on voit qu'elle ne date pas d'aujourd'hui, faisait acheter lui-même en Norvège et distribuait à prix coûtant la rogue aux pêcheurs. Ensuite, il convient d'organiser le crédit maritime sur les mêmes bases que le crédit agricole. Les patrons pêcheurs pourraient ainsi se libérer de la tutelle écrasante des négociants de rogue, de filets ou d'agrès. Associés en coopérative, jouissant d'un capital raisonnable, ils achèteraient les produits nécessaires à leur industrie maritime à des conditions favorables. Enfin, l'organisation dans chaque port d'un syndicat en rapport journalier avec les autres syndicats permettrait aux sardiniers d'empêcher l'avilissement des cours du poisson. Les marins bretons méritent à tous les points de vue d'intéresser la France à leur sort. Cette population surabondante d'énergie constitue l'appoint le plus précieux à la défense de nos côtes. C'est la pépinière de héros qui ont triomphé sous tous les cieux. Pendant les semaines que nous avons passées au milieu d'eux, il nous a été donné d'assister à des traits de courage stoïque. Une fois, c'était une barque qui chavirait et, tout aussitôt un autre équipage, risquant d'être jeté sur les brisants, virait sur place et venait sauver camarades et bateaux en perdition. Presque chaque jour sur les lieux de pêche, c'est un marin qui se jette à l'eau afin de sauver un homme enlevé de son bord. Est-ce un métier normal que celui qui consiste à gagner 300 ou 400 francs par an en offrant chaque jour son existence pour nous faire bénéficier, nous autres citadins, de cet aliment excellent? Tous les pêcheurs que j'ai interrogés avaient naufragé. Certains vétérans comptent leur naufrage ou leur sauvetage à la douzaine. Dans leur chaumière, des diplômes roulés dans des étuis de carton et des médailles dorment modestement au fond des coffres. Chaque papier et chaque pièce de bronze représentent toute la renommée de leurs humbles existences. Demeurer indifférent aux souffrances de cette population armoricaine, c'est marquer peu de soucis pour notre marine de guerre, presque toute composée de ces Bretons. D'un autre côté, ce ne sont pas des représentations à bénéfice ou des quêtes qui relèveront leurs conditions. Il ne faut pas transformer ces hommes en quémandeurs. Ce que nous réclamons pour eux, c'est le moyen de se libérer définitivement des maisons du bateau, des marchands de rogue et des trusts qui règlent à leur avantage les cours toujours insuffisants de la sardine.